financière, la crise économique. Monsieur Ponzellini, je vous cède la parole. Merci, chère madame et monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur l'ambassadeur d'Italie, madame l'ambassadeur de France, cher Enrico. Je suis ravi d'être ici, mais malheureusement, je dois vous donner deux mauvaises nouvelles. La première, je vais parler en français, ce sera une surprise pour vos oreilles. Et la deuxième, je vais vous parler d'économie. Alors, encore une fois, c'est une chose pas gentille à faire à des gentlemen avant de dîner, mais en tout cas. En regardant et en entendant madame lire mon CV, j'ai compris que je suis très triste. Parce que dans ma vie, je suis été banquier et j'ai été économiste. Deux métiers qui ont complètement échoué dans cette période de leur rôle. Et le dernier métier que j'ai fait, d'une façon assez professionnelle, qui c'est le Playboy, maintenant, l'âge et le fait que je suis en train de lire un père m'empêche de faire avec la même passion, la même amarrure. Alors maintenant, ici, malheureusement, on devrait changer de métier. Peut-être le métier de président d'une société de bâtiments va être ma nouvelle vocation et je pourrais mais peut-être un jour être fier de ça. Mais je dois dire que je suis venu, j'ai eu le plaisir, l'honneur de vous parler il y a un an et demi. Et je parlais, je me rappelle à l'époque, de cette crise qu'il y avait de la société industrielle, de la société capitaliste. Cette crise, ça devient du fait qu'il est disparu l'antagoniste par excellence. Il est disparu le communisme. Et avec le communisme, ça va disparaître le capitalisme. C'est comme un boxeur qui à un certain moment il perd son adversaire. Il commence à rien à faire, il commence à grossir, il commence à s'amuser, il fait des conférences comme j'ai fait, et après il n'est plus capable de faire la boxe. Il a perdu son adversaire. Le capitalisme, il a perdu son adversaire. Il a commencé à s'inventer des métiers qui n'étaient pas propres. Et le monde, il a changé très vite. Le changement plus dramatique du monde, le plus tragique, c'est la photo de G7 ou de G8, comme on s'appelle maintenant. Le prochain G8, c'est en Italie, dans un pays qui cherche encore d'avoir un rôle sans savoir pourquoi. Et on est en train de réfléchir sur la gouvernance de ce G8. On a fait un groupe en Italie des ministres Frattini, dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et dans ce groupe, qu'est-ce qu'on a découvert? Alors, avant tout, j'ai fait une première remarque. Les G7 d'il y a 10 ans, ça faisait des 85% de la richesse du monde. C'était composé par 7 pays. Il n'y avait qu'une monnaie, c'était le dollar. Et il n'y avait que des démocraties très avancées. Maintenant, pour faire la même dimension économique, ça veut dire les 85% de la richesse mondiale, c'est nécessaire d'avoir 20 pays. Et dans ces 20 pays, il y a 3 monnaies. Et surtout, la majorité des régimes, ce ne sont plus des régimes démocratiques, mais ce sont des régimes antidémocratiques. Alors, la première question, c'est la démocratie ne paye pas. La dictature paye. Première remarque. C'est triste à dire, mais qu'il ait les chiffres pour un banquier démontre ça. Les banquiers, ils ont peur presque de tout, mais surtout des politiciens. Ils ont pensé que la démocratie, c'était un régime plus facile que la dictature. C'est l'instant du sort est resté lié à la démocratie, ils ont échoué leur fonction économique. Ça veut dire qu'ils ont pris la partie mauvaise de l'économie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de comprendre la dette. La dette, c'est une chose qui a deux grands visages. C'est comme Janusz Janus, deux visages. Un visage, c'est le visage triste, c'est une échéance qu'on doit redonner, en plus avec des intérêts, en plus dans une façon réglée, fixée, où on ne peut pas échapper. Et ça a donné une certaine sécurité aux banquiers. Ils ont commencé à commercer la dette. La dette qui était payée, qui faisait la dette de la dette qui était payée, et la dette de la dette qui était payée, c'était banqué par une institution très claire qui faisait la dette de la dette. Et comme ça, la chaîne a continué. Mais la dette est un autre visage que les banquiers ne gardent pas. Derrière chaque dette, il y a un programme. Il y a un rêve. Il y a une aspiration. Il y a quelque chose qu'on fait pour être mieux, pour avoir une vie meilleure, pour avoir une entreprise plus compétitive, pour avoir une maison plus belle, pour avoir quelque chose de mieux, l'école pour les enfants. Derrière la dette, il y a toujours quelque chose d'important. Les banquiers, ils n'ont jamais regardé, ou ils ont très peu regardé à ces aspects. Ils ont continué à regarder comment être repayés et comment, en ayant repayé, revendre cet repayement presque sûr des gens à des autres banquiers et des autres banquiers encore. Ça, c'est le véritable désastre. Et alors, le capitalisme, il a fini n'ayant plus des idéologies à combattre pour se fixer sur des instruments financiers où le but, c'était de faire gagner de l'argent toujours sur des l'entité, des entités, si vous voulez, financières elles-mêmes, des entités qui n'étaient pas assez payées, on dit en anglais, et ça, à un certain moment, a fait tomber le système. Très bien. Quand même, on a passé 10 ans en disant qu'on était riche en faisant des frais fous. On s'est amusé. J'ai toujours l'habitude de regarder les biens. Pendant 10 ans, on a fait la fête. Maintenant, on doit faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant tout, il y a, comme d'habitude, quand vous faites des grandes soirées, je suis habitué, j'étais habitué, faire des grandes soirées, dehors, dans les clubs, le whisky, les cigarettes, comme ça, tata. Après, j'avais un jour, deux jours, pendant lesquels je devais un peu être tranquille, regarder, je suis tout record. Maintenant, on doit tout record. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, j'ai, avec des amis, dans un groupe de travail que j'ai fait pour le ministre de l'économie en Italie, pris combien ça fait les montants finaux des non-performing assets qu'il y a dans les 19 banques qui ont été sauvées jusqu'à ce moment-ci par les autorités. Alors, c'est Bernstein, même Freddie Mac, même Faye, AG, tous ces banques. Tous ces banques-là, ils ont non-performing assets pour 9 trillions. $9 trillion. Ça veut dire que les GNP des États-Unis, ça fait 4 trillions de dollars. Ça fait 4 trillions de dollars par an. Ça va? Ça fait 4 trillions de dollars. Ça veut dire qu'on aura besoin de entre 3 et 4 ans pour avoir, si vous voulez, nettoyer les portefeuilles de ces banques qui ont été sauvées par l'argent public. Alors, pendant 3 ans, Il y aura toujours quelqu'un qui, sur le marché, va mettre des assets à un prix particulier, tellement convenant que les investissements traditionnels dans la bourse, dans les entreprises, dans les autres activités, n'est plus convenant. Je vous donne un exemple très facile. Il y a une semaine, il était vendu le Four Seasons de Milan, que vous connaissez, c'est l'un des plus belles hôtels du monde. Et cet hôtel, il avait une assessment de valeur fait par Richard Ellis, qui donnait les valeurs de 270 millions d'euros pour cet hôtel. 270. Cet hôtel Merrill Lynch, qui avait acheté la dette des statuts, qui c'est un entrepreneur italien, il l'a mis en vente à 150 millions d'euros. Et il a reçu une offre d'un ami à nous, qui s'appelle Jacob Rothschild, pour 75 millions d'euros. Et ils ont vendu. À ce moment-là, Jacob, pour prendre l'argent, pas de sa poche, il l'a, mais pour le prendre au marché, il a permis Philip Norton, qui c'est son agent, son courtier de bourse, et lui a dit, vende 10% de discount des actions italiennes que j'ai. Et ce jour-là, Generali faisait plus 4%. Et j'ai dit, Jacob, attends un moment, on va sur le marché, on vend directement, je m'en fiche. J'ai gagné des 170 ou des 150, pourquoi 75, je m'en fiche, je vends les actions, je prends l'argent, je fais une opération. Ce que je perds, je ne paye pas l'État, ce sont des taxes que je ne paye pas. Je garde l'hôtel dans des... dans un paradis fiscal à quelque côté, je revends l'hôtel à 100 millions, 5 millions, monsieur, et on va maintenant à 105 millions. Je gagne 25 millions d'euros dans une semaine, je m'en fiche. Alors, il a perdu Merrill Lynch, il a perdu Statuto, il a perdu les marchés italiens, tous les investisseurs du marché italien, et lui qui a gagné, c'est dans ce cas-là, Roche. Alors ça c'est la spéculation, parce que quand vous avez quelque chose qui, vous savez, ça vaut 200 millions, vous restez pour 50 millions, c'est un homme qui a mal acheté et un homme qui a bien acheté. Mais quand vous avez tout le monde qui perd, les marchés et l'acheteur, et les marchés qui gagne, c'est la spéculation. La spéculation c'est la destruction du marché, c'est ce qui est en train de passer. Alors jusqu'à quand les, si vous voulez, non-performing assets, les 8, 9 trillions dollars, qui ne sont pas passés sur les marchés, il y aura des véritables détenteurs de l'argent, aucun intérêt à investir ni dans les banques, ni comme dépositaires, ni comme actionnaires. Il y aura seulement des intérêts à faire distressed deals, c'est-à-dire des affaires où il y a un convenience minimum de 100-150% de réduction sur les prix avant la crise. En regardant ce qui s'est passé dans les 29, pour revenir à les titres de notre conférence, alors j'ai une très jolie publication qui peut être dans les magasins de votre association, je vais donner quelques numéros. Il y a tout un certain tas de choses qui se passent avant la crise du 29. La première, c'est l'invention du système de transmission de la radio dans toutes les maisons. Le deuxième, c'est, je vais dire en français, Lindbergh qui passe l'Atlantique. La troisième, c'est l'invention du TV. La quatrième, c'est une loi qui donne la possibilité d'émettre sur la radio la publicité aux États-Unis. Et après, il y a les premiers systèmes de calculation automatique avec une machine Android. Toutes ces choses-là, qui rappellent l'informatique, les médias, ils portent les cours actionnaires d'un index de 100 à l'index, on parle Dow Jones, de 298. Presque 300. D'après, tout ça tombe soudainement et dans les crash days, comme j'appelais ça les Américains, les taux Dow Jones, ça tombe à 150, la moitié. C'est ce qui se passe maintenant. Les gouvernements disent, c'est pas possible, on va intervenir. Ils commencent à mettre de l'argent sur le marché. Et dans 6 mois, ce qui va passer dans les marchés, aujourd'hui, il reporte l'index Dow Jones à 280, pas 300, mais 280, proche où il était. Mais à 280, ils ont terminé l'argent. L'Amérique n'a plus un sou, l'administration. Et les Dow Jones, de février de 1930 jusqu'à novembre de 1932, tombe de 290 à 41. C'est la Grande Dépression américaine. À ce moment-là, le président ouvre pas la maison et arrive Franklin Delano Roosevelt. Les jours qu'il entre à la Maison Blanche, les jours même, il ferme les banques. Les banques. Il garde les banques fermées pendant 15 jours. 15 jours les banques fermées. Personne peut aller prendre. Après, 2 jours après, il cancelle la parité dollar-or. À ce moment-là, il appelle le Congrès, il présente le New Deal. Et il fait faire une votation où chaque député, sur la Bible, il jure qu'il ne va jamais changer d'idée sur le New Deal. Il se dit oui, maintenant que je vais changer d'idée sur la Bible. Il lance le New Deal et à ce moment-là, l'économie américaine reprend son allée. Et revient à l'index de 290 après 23 ans. Ça, c'est l'histoire. Alors, est-ce qu'il se va passer le même? Alors, si vous me dites j'espère, non. Si vous me dites êtes-vous prêt à signer ça? Oui. Parce que l'autre scénario, c'est qu'on n'arrive pas à la solution de ça. Et alors maintenant, je vais terminer avec ma vision du futur, que c'est une vision assez particulière, mais assez, à mon avis, si vous voulez, assez drôle pour ne pas la croire. Alors, je suis convaincu que les cours économiques, ça ne dure pas 5 ans, 10 ans, 3 ans, mais ils vont durer 500 ans. Ça, c'est bien le dire pour tout un tas de raisons. La principale de laquelle, c'est que personne ne peut contrôler si vous avez raison. Alors, vous dites 500 ans. Mais la monnaie, elle a été inventée 500 ans avant Jésus-Christ. Dans l'année 500 avant Christ. Elle a eu un développement extraordinaire. Et dans l'année zéro, la naissance de Jésus, l'Empire romain frappait chaque année 9 millions et demi d'euros, de pièces d'or, et 500 millions de pièces d'argent. C'est une folie. Ça a donné une richesse, une quantité d'argent telle, qui a fait reposer les Romains. Il a fait croire aux Romains, à ceux qui vivaient avec les Romains, que la durée du bien-être serait éternelle, et dans 600 ans, 465, Rome tombe. L'Empire romain tombe. Et ça commence la période triste, le Moyen-Âge. Les monnaies deviennent petites comme ça, en fer, rouillées, personne ne les veut plus. Et ça commence à être les valeurs de la religion, les valeurs de l'Église, les valeurs du féodalisme, les valeurs du charlemagne, les parallèles, la loyauté, du nouveau valeur. Et ça va durer jusqu'à 55 ans, jusqu'à l'année 1000, quand se prend place les plus graves rochers de tous les temps, les croisades. Les croisades sont les plus graves rochers de tous les temps. Notre manager qui va à Londres maintenant me font rire, les croisades sont les plus graves. Et ça a redonné une envergure incroyable, ça commence. L'Italie des communs, ça commence, les grands villes asiatiques, ça commence, et l'économie reprend l'endormir jusqu'à 1500. La Renaissance, la découverte de l'Amérique, à ce moment-là, un petit royaume comme Ferrara, les Est, il franchit 100 millions de pièces d'or, c'est 500 millions de pièces d'argent chaque année. L'Est, Ferrara, rien. Ça, c'était l'inondation. Les gens ont pensé d'être riches autrefois, ils ont abusé, ils ont gaspillé l'argent. Pendant 500 ans, on est arrivé à l'année 2000. Maintenant, il a approché 500 ans. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Allons voir qu'est-ce qui s'est passé de l'année 500, tombée des rangs, tombée du capitalisme. Rome, c'était le capitalisme. Jusqu'au 1000. Regardons les premières 100 années. C'est en train de vivre. Alors, il y a eu des villes qui ont survécu très bien. Et l'économie n'a plus été comme il avait avant. Une économie d'État a été une économie des villes. Alors, Ravenne avec l'Empire de Byzance, Constantinople, Antioquia, on s'appelle Samarcande. Les grandes villes commencent à s'affirmer tout d'abord, comme il est maintenant. Si je regarde le portefeuille de la Banque européenne, je vois que les derniers prêts, ils n'ont pas fait une autoroute entre Paris et Metz, mais ils ont financé les ports de Marseille. Ils n'ont pas financé l'autre vitesse de Vérone jusqu'à Venise, ils ont financé la ville d'Europe. Ils sont en train de financer Barcelone. L'Espagne ne marche pas bien, mais Barcelone, c'est une ville qui a une extraordinaire envergure. Voilà qui on entre dans une mentalité nouvelle. Ce sont les villes et les réseaux des villes qui va être. Alors la mode, qu'est-ce que c'est? Milan, Paris et Londres. Et New York, ils sont en train de se battre pour être la troisième. Alors la finance, qu'est-ce qu'elle va être? Francfort, la production d'Atlanta, c'est Londres, New York, Hong Kong, ou Pékin, ou Shanghai, je ne sais pas, ça c'est la bataille. Alors voilà, ici Monte Carlo, elle est née comme ville-État, elle est une ville-État. Alors qu'est-ce que c'est, je disais davantage un journaliste, Monaco, on a vu, c'est le melting point des civilisations. C'est un endroit où, quand les gens y arrivent, ils deviennent internationaux avec une vitesse extraordinaire, beaucoup plus vite que des autres pays. Si vous voyez des Russes à Paris, vous voyez juste les Russes, voilà. Vous êtes dans les places télé, la table des Russes, il y a toujours des torts, des champagnes qui arrivent, des caviar, des choses, la fête, des chats, ils s'amusent. Ici, pareil, mais pendant un an, deux ans, après trois ans, ils sont intégrés, ils sont des autres. Alors, Monte Carlo va être, si vous voulez, le college pour les citoyens du monde. Dans une société qui de plus en plus devient internationale, on a besoin de villes où on apprend à être civilisé, on apprend à être poli, on apprend à être démocratique. Et voilà qui ça se passe. Ça, c'est une très importante fonction de beaucoup de villes, qui Monte Carlo est très bien placé. Alors, dans ce panorama des villes d'État, il y aura toujours besoin de voir ce qui se passe à l'économie. Et là, avec ça, je vais terminer, il y aura, non plus, comme j'ai dit, le capitalisme, mais il y aura une nouvelle échelle de valeur qui va commencer d'une façon tragique et va terminer d'une façon magnifique. Je vous fais un exemple, la retraite. Le monde entier n'a plus l'argent pour payer la retraite aux jeunes. Ça, c'est clair. Il y a un cannibalisme entre les générations. Toutes les fois que vous payez la survivance ou le futur d'un vieux, vous enlevez la possibilité de bien enlever un jeune, ou enlever les sous à l'université. Vous enlevez la possibilité de lui donner de l'argent pour investir dans son futur. Cette société, elle est une société avec une gouvernance extrêmement difficile à comprendre. C'est clair, les actionnaires du futur, ils sont des jeunes. Et c'est clair que ceux qui gèrent le futur, les managers du futur, ils sont les vieux. Les actionnaires, ils n'ont pas les managers. Ça, c'est une terrible histoire. Alors, je reviens à mon exemple. On n'a pas l'argent pour payer la retraite. Qu'est-ce qu'on fait? C'est seulement ce que vous appelez des bienfaisants, le volontariat, ce qu'on appelle l'intérêt, qui peut faire ça. On doit commencer à aider les gens qui ne peuvent pas survivre avec les conditions d'un État qui ne peut plus payer les écoles, ne peut plus payer la retraite, ne peut plus payer les hôpitaux. Et là, il y a la véritable différence. Parce qu'il est énorme, important, comme je pense d'être, riche comme je suis, ou mieux encore, un rico, c'est très important être riche. Il ne sait rien faire dans un hôpital. Rien. Il ne peut rien faire. S'il y a une infirmière à Carine, elle peut lui faire un compliment, mais pas plus que ça. Elle n'est pas capable de nettoyer les malades, de donner une injection. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'huissier. Tout le monde est capable de faire l'huissier. On n'a pas tellement besoin d'huissier. Il va toucher un certificat qui n'a pas aucune valeur, peu de valeur. Pendant qu'un homme pauvre, peut-être, un homme qui a fait notre métier, dans un hôpital, peut jouer un grand rôle, un rôle important. Il va toucher un certificat que pendant 10 ans, dans son temps libre, il a fait un rôle important dans un hôpital. Et cette monnaie sera la bonne monnaie. Pendant que la monnaie à moi, à Derrico, sera la mauvaise monnaie. Alors, quand nous aurons besoin d'être soignés, nous devrons ajouter beaucoup d'argent. Parce que nous avons des certificats de volontariat qui ne vaut rien. Ou peu, parce que nous avons peu fait. On était très pris, on n'avait pas du temps, on n'était pas capable. Pendant que les gens qui ont du temps, qui ont de l'espace, qui ont des capacités, vont toucher des certificats importants, où ils doivent ajouter au rien d'argent, au peu d'argent. Cette nouvelle monnaie éthique va prendre pied dans l'économie beaucoup plus vite de ce que l'on peut imaginer. Aider de nouvelles technologies, aider de nouveaux besoins de l'État, aider de la crise et de la dépression économique qui va prendre les prochaines années dans le pays. Et c'est la valeur éthique de cette nouvelle monnaie qu'on doit regarder avec l'espoir qui, comme toujours, à travers la culture, à travers la démocratie, à travers les véritables valeurs de l'éthique, on a toujours une solution optimiste pour le futur. Merci de la question. Monsieur Ponsellini, une première question. Je relisais il y a quelques jours une phrase, et je vais le citer, de Churchill. Churchill, c'était un conseil, et c'est à peu près l'idée, c'est à l'époque du New Deal qu'il a écrit. Il disait, il faut prendre l'événement par la main avant d'être saisi par lui à la gorge. Dans quelques jours va se dérouler le G20 à Washington, et je voulais savoir si vous pensiez que les personnes qui vont se réunir à Washington seront à la hauteur pour pouvoir accompagner, prendre l'événement par la main. Alors, avant tout, Winston Churchill, il a dit une phrase beaucoup plus importante de ça. Un soir, j'étais avec une femme horrible qui cherchait de le séduire. Elle était toujours toujours froid chez lui, il me parlait toujours comme ça. Et à un certain moment, il a dit, madame, il a dit, et vous vous rendez compte, vous êtes horrible. Madame, il a dit, mais monsieur le Premier ministre, vous êtes ivre. Il a dit, oui, vous avez tout à fait raison. Mais il y a une petite différence. Demain matin, je ne serai pas ivre. Vous resterez au lit. Alors, toujours en utilisant les mots de Churchill, j'ai dit la même chose. Les 20%, les 20 imbéciles, les 20 héros, je ne sais pas, qui se vont retrouver à Washington, ils sont les mêmes qui ont provoqué ce désastre. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle ils doivent les souffrir? Vous croyez dans les miracles? Mais on peut le croire. Mais alors, il y a les miracles. Ou vous pensez que la crise elle est tellement grave de sortir un effet extraordinaire de faire de façon que des gens qui n'ont pas rien compris jusqu'à maintenant deviennent tout à fait intelligents et clairvoyants. C'est pas possible. Il y a un premier changement qui s'appelle Obama. Alors, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai rappelé que toute la chance qu'on a eue après la guerre jusqu'à maintenant s'est donnée en grande partie grâce aux États-Unis. Ça, c'est autant de discussion. Alors, est-ce que les États-Unis, encore une fois, seront capables de jouer un rôle traînant, nouveau, comme ils ont déjà fait plusieurs fois, la déclaration des droits de l'homme, leur intervention pendant les grandes guerres pour sauver la démocratie, le Marshall Plan, la bataille au communisme. Est-ce qu'encore une fois les États-Unis seront capables de jouer ce rôle-là? Quand même on a un homme nouveau. Il a des problèmes dans le sens qu'il est noir. Je n'ai pas peur de dire qu'il est noir. Parce qu'il est noir, pas moi personnellement, mais à beaucoup de gens, ça pose des problèmes. Imaginez qu'aujourd'hui, la plus grande puissance du monde, du point de vue capitalisme, c'est représenté du noir, c'est difficile pour beaucoup de gens, pas pour moi, beaucoup de gens, à comprendre. Mais peut-être c'est un signe que quelque chose va changer. Deuxième question. Il a pris un parti politique et il a utilisé un parti politique pour être élu. Mais il a quitté son parti politique dès quand il est élu. Et il a appelé autour de lui des gens qui sont exactement partagés entre démocratique et républicain. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça pour démontrer qu'il était bipartisan. Bipartisan n'existe pas aux États-Unis. Il a fait ça pour démontrer que les États-Unis ils sont différents du reste du monde. Ils sont capables, une fois qu'il se passe une grande crise, de renaître d'une façon nouvelle. Est-ce qu'il sera une façon gagnante? Alors, du point de vue économique, sûrement, il va donner beaucoup de travail à mon ami Jory qui imprime la monnaie. Il va imprimer un chiffre épouvantable de dollars, il va créer une inflation. Il va défendre sa nation comme nous défendons nos familles, comme une forteresse. Il va défendre les États-Unis et les fermer dans leur économie d'une façon totale. Il va arriver au plus bas niveau de protectionnisme jamais vu pour protéger ce qu'ils sont comme son Dieu, le pays qui a permis à un noir de devenir président. Une fois qu'il a fait ça, il regarde au reste du monde. Et à ce moment-là, avec mon ami Wall Street Index, qui monte beaucoup, mais avec tous les différents bourses qui restent baisses, il va embarquer les premiers alliés. Et qui seront les premiers alliés? Seront des gens qui sont capables d'oublier quelques de nos vices principaux, avant tout la politique. Ce mélange incroyable qu'on a créé en Europe, où la politique, elle s'est cachée, elle s'est fait protéger par un concept très haut, qui c'est la démocratie, et par un servant très laide, qui c'est la bureaucratie. Derrière cette servant laide, derrière ce concept très haut, la politique s'est cachée et a justifié tous les ordures qu'elle a fait pendant les années qui sont passées. À ce moment-là, les pays qui sont capables de dire on n'a plus la gauche, on n'a plus la droite, on a seulement des gens qui ont envie d'être meilleurs, de travailler, de créer de nouvelles éthiques, ils seront embarqués à ce moment-là des États-Unis. Si à ce moment-là, l'enchère d'Obama, il est gagnant. Et alors, première chose, je pense qu'Obama, c'est un homme qui risque la vie tous les instants. Je pense que la protection autour de lui, il est puissant, mais à mon avis, le risque reste le même. Parce que dans l'histoire, toujours, des grands actes criminels de l'histoire, ils sont toujours envers les gens qui s'étaient gagnant aux intérieurs des idéologies de proteste. Ça veut dire Kennedy était tué, Lincoln était tué, les gens qui ont Olaf Palme étaient tués, Moore était tué, les gens qui étaient de la côté de la proteste, pas les gens qui étaient de la côté du pouvoir. Le pouvoir est puissant, il s'est très bien protégé, ses affaires. C'est pas la terre. C'est la proteste qui est plus faible. Et quelqu'un qui vient des classes faibles, comme Obama, il a un grand risque. Ça, c'est un risque. J'espère à son nom de nous. Je suis convaincu qu'ils vont faire le possible pour le défendre et le protéger. Et alors, si c'est se passe, le voilà, le premier rayon de soleil dans l'eau froide. Les États-Unis démarrent avec une certaine. Les États-Unis, ils n'ont plus l'ambition de protéger l'Europe. Pour la raison qu'ils ont été déçus de l'Europe, et pour la raison que l'Europe, elle a fait les plus grandes erreurs qu'ils pouvaient faire, que c'est l'euro. Ça veut dire, après être été sauvé des États-Unis, il a défié les États-Unis sur son domaine. Et lui a enlevé les primats mondiaux les plus importants, les dollars. C'est incroyable. Les États-Unis vont protéger l'Amérique du Sud avant tout. Et l'Amérique du Sud, c'est le pays où, à mon avis, quand même, ma société, le Brésil, est en train de faire 50% de ses investissements. Dans ces moments où, en plus, la crise baisse les cours de bourse, nous avons acheté une grande société des autoroutes, nous sommes en train d'acheter des bâtiments de construction dans l'Amérique du Sud, et le Brésil maintenant, c'est la plus grande société de construction de bâtiments dans l'Amérique du Sud. Parce que je suis convaincu qu'après les États-Unis, le deuxième pays va renaître. C'est l'Amérique du Sud. Ça, c'est, à mon avis, ce qu'on peut prévoir pour des gens comme nous qui ont certaines. Après, il y a certainement, pour répondre à votre question, un dernier point, il y a les problèmes des pays asiatiques et des pays nouveaux. Et là, sûrement, il y a une nouvelle philosophie, il y a une nouvelle stratégie, il y a un nouvel type de développement qui nous ne sont pas en position ni de comprendre, ni de maîtriser. dimensions financières, sociales, culturelles qui nous dépassent. Et comme toutes ces choses-là, il y a la voiture. Qui veut aller à la voiture, il va là-bas. Comme tout le monde qui vient à l'aventure, il y a des gens qui ont très grand succès, il y a des gens qui sont battus. Je pense que je suis trop vieux, je ne suis pas capable, je refuse d'aller dans les pays asiatiques. Nous sommes en train de gérer, comme on peut dire, je vous dis ça pour vous donner des cas, l'activité des récoltes des déchets urbains à Shanghai. C'est le plus grand incinérateur du monde. Je suis en train de les vendre parce que j'ai peur de marcher comme le marché chinois. Sûrement, il y a quelqu'un qui doit faire des activités. C'est quelque chose avec lequel on doit faire avec. Mais à ce moment-là, on doit avoir des hommes, des cultures, des possibilités financières très différentes de celles de ma société, qui est une société très puissante avec des très bons managers, mais pas assez pour aller sur ce régime. Alors que voilà, je reviens à mon premier, les Byzantines. On s'est mis en deuxième division. On joue dans les États de Provence. On n'a pas les mieux, mais on a les jambons, on a des jolies femmes, on s'amuse. C'est notre monde. C'est le monde de qui, d'une Europe qui va chercher de combler des espaces qui vont se créer plus aux frontières du nouveau monde. Dans la durée, l'intendance suivra. Je veux être le chef de l'intendance. Je ne veux pas être le chef de l'intendance. Avons-nous une autre question, s'il vous plaît? La question est tout simplement, comment vous voyez les changements qui vont survenir dans votre propre vie dans les 10 ans à venir? La chose la plus importante dans ma vie, pour le moment, comme dans chaque homme, c'est la famille. J'ai, comme je vous dis, je vais devenir grand-père, j'ai une femme, et j'aime beaucoup, j'ai 3 filles femmes. Une belle sœur qui a divorcé, elle est toujours avec moi. Une chienne. Loulou. 3-4 femmes de ménage. Et avec toute probabilité, la prochaine petite fille sera faite. Femme. Pour survivre à ça, il y a 2 façons. L'homosexualité. Ou l'homéopathie. Ça veut dire curer. La maladie est une même maladie. Je suis fauteur de. Sur ça, malheureusement, l'âge, il a commencé à donner les premiers problèmes. Mais la chimie, il a fait des miracles. Et alors, comme il y a les Touaregs qui sont les gens bleus du Sahara, il y a aussi les Touaregs dans le monde de la finance. C'est moi, j'ai changé mon nickname, qui c'était Conte Max, une Touareg Max. Et je pense que mon futur sera quand même heureux pour cette raison. Deuxième façon, il est en question de quoi dire aux enfants. Et là, quand vous avez un enfant, vous avez deux alternatives. La première, c'est de lui dire le vrai de quand il est petit. En disant, le monde, il est terrible. Tu vas avoir des crises, les amis ne sont pas véritables, tu as des trahisons toujours, c'est dur, les choses. Et le petit bébé n'est pas content. Tu vas créer malheureux tout debout. Pas question. Deuxième façon de traiter un enfant, c'est de lui dire, non, écoute, regarde jouer, papa, tu es bien, regarde, tu as vu le petit chien, tu as vu que le beau, il est gardé heureux jusqu'à quand tu peux. Après un jour, il se rendra compte que la vie c'est différent. Et à ce moment, sa réflexion là, c'est imbécile de papa. Qui venait me raconter qu'il mange de mots, qu'il avait le petit chien, il n'y a seulement de problème. Troisième, les difficiles de droite rue, c'est la mienne. Je ne leur ai rien dit. Rien. Je leur ai donné seulement l'exemple des quoi seulement dans une valeur. C'est l'unique valeur. Qui n'a pas pris et qui n'a pas peur de rien, qui n'a pas peur de voleurs, qui n'a pas peur de l'inflation, qui n'a pas peur des taxes, de la liberté. Soyez libre. Faites ce que vous voulez. On ne peut pas être. Quel est le résultat? Le résultat, c'est incroyable et triste. Mais dans les mêmes moments, explique le futur. J'ai trois filles, qui est Rico et Magda, elle connaît. Ils ressemblent à ma femme, qui est une belle femme. Ils sont très jolies. La première, elle travaille dans une maison d'édition qui s'appelle Condé Nast, qui fait Jourdain, Vogue, avec une femme horrible qui s'appelle Franca Soffert. Elle fait l'assistante de Franca Soffert. Elle est l'imbécile complète, ma fille. Quand elle fait un métier que je ne connais pas, les stylistes des photos. Elle dit, Cicino, che bello, bouge ça, et me comme ça, et oui, mais ça c'est pas du. Moi j'ai tant pris 8000 euros par mois, plus le prix, le voyage en première classe, à Beverly Hills, Paris, l'imbécile. Deuxième fille, Héloïse, ingénieure, mathématiques, 5 ans, degré pris à Princeton, magna cum laude, le par 4 ans, però ça ne fait rien d'un magnifique. Premier travail, Pirelli, logistique, tiré un computer, 800 euros par mois. Après, à commencer, elle va travailler dans Edison, je pense, on va toucher 1100. Et justement, elle va ou faire des enfants et s'en ficher, ou elle va arrêter de travailler et pour des autres raisons, elle a Paris, elle peut se permettre, je sais pas. Ou elle va gagner toute sa vie, 1500, elle va gaspiller sa capacité dans des sociétés, des grandes sociétés qui font. Ils ont des difficultés à valoriser certaines personnes. La troisième, Rachele, très jolie aussi, très sympa, elle m'a dit, papa, je vais faire philosophie à la statale à Milan. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. En faisant philosophie, je suis sûr de ne pas trouver travail. Et c'est l'unique garantie d'être heureuse que j'ai. Après, je suis jolie. Je vais trouver un homme riche. Je vais les marier. Si les signe pas bien, si les facile pas, je les fais beaucoup. Les imbéciles, ils gagnent de l'argent. Les gens préparés, ils gagnent rien. Les gens malins, ils cherchent quelqu'un pour être rentés pendant toute la vie.